pana carriole, bagolo bago finga. Iti guanzi ya ya Merco 2000. Ami, ma jata na sanga ki epena yo sendi male, yo prometa ki ngai loko bala na papa. Onga ni saka papa esi kato uti peto kokele, baka muke ma mungisi yo zela ni bala. Gafe mundungu. Otamu isi ngai sango patu onga na bala kateo. Si tu ne réagis pas, na bolingo yo prometa kinga. Dixon na polo banini na Serge a tipo soki a tuningai. Aina aje oyo, aina balangate, sembla zaza buba. Fan club si bon far far. Yajito adju yajo, sino lito mbanga smith. Diane Rambo, na Panama. Baki makambula na mo pepete. Kile mpete kambe Emile Oboyo. J'ai donné à la Kani, Giorgio Boni Atou, Marie Antoinette Men, la Camerounaise. Jamais, jamais, jamais, bon amas. Kapo ki kosa na bolingo boyo na mona kasite. Histoire ma bande la kaya mote ou jamais dans la ville. Bolingo e boyi kota la ma, bolingo e boyi komo na ma. Papi Kalunda, la terreur. Jamais, jamais, jamais, bonanga. La coquille cosa na bolingo, na mona pasite. Histoire de baba de la kaya mote, jamais dans la vie. Bolingo e boyi kota la ma, bolingo e boyi komo na ma. Tata moi si l'orase, bolingo e boyi kota la ma. Pressing le Paris. Jean-Baptiste Tangi. Libala mambo mingyo. Poma. Libala mambo mingyo. Mana yo siliwa dosala. Lucas Gache, Sama Juvene. C'est le Maxime Célé. Les gars, Koukengesha, Anise, Anite. Koukengesha, Mamisa, Mamara, Jonathan. Razalipe, Mana, Bato, Chérie.